drones puis d'envoyer des bombardements du haut du ciel et de toute façon personne ne veut aller sur le terrain. Comment on fait? Quel terrain? Où va-t-on? Non, c'est une guerre téléguidée, c'est une espèce de guérilla urbaine mais dans le désert. Non, mais ils sont 60 000 éparpillés. Et même en Irak, Irak, ils occupent des villages, ils vont vivre au milieu des gens, donc les gens deviennent des on le sait, ça fait longtemps que ça existe, deviennent les paravents derrière lesquels ils se cachent. Et à l'heure actuelle, effectivement, quand les Américains ont voulu bombarder, pas plus tard que cette semaine, ils ont voulu bombarder un endroit où ils croyaient que étaient ces têtes brûlées, eh bien, ils sont arrivés, ils avaient tous disparu. Parce qu'ils sont allés dans un autre village, sont allés se cacher parmi la population. Et là, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on détruit des villages? Alors, vous voyez notre problème. Est-ce qu'on détruit des villages, des villes où il y a des centaines, des dizaines de milliers de civils? Est-ce qu'on fait ça? Voyez-vous, c'est ça les questions. C'est un cancer. C'est une métastase qui est confronté à un problème à la fin, là. Absolument. Bon. Et c'est de ça qu'ils profitent. Oui. Autre chose également. Moi, j'ai lancé un appel il y a quelques jours de ça et je redonne mon courriel et je vais leur donner plus tard. Je veux parler avec des imams québécois qui se dissocient de ça. Il y a une campagne actuellement sur Internet. Vous en aurez pas. Il faut que vous parliez avec le grand moufti de Paris. Eux se sont dissociés, Mme Bombardier, quand même. Qui, lui, hier, est sorti. Il faut que vous alliez faire un entretien avec lui. Parce que c'est quelqu'un qui n'a peur de rien. Il s'appelle Boukakeur, je crois, et et qui est un homme d'une science remarquable. Mais pourquoi il n'y en a pas au Québec, Mme Bombardier? Je lance l'appel à Montréal. Parce qu'ils sont pas instruits, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont instruits ici. Hein? Donc, il s'auto-proclame imam. Est-ce que le silence est complice? Bien sûr. Le silence est complice, je dis bien sûr, mais en même temps, il faut penser que parmi tous les musulmans qui sont au Québec, il y en a pas mal maintenant, hein? Oui. Parmi tous les musulmans, des dizaines et des dizaines de milliers, là, maintenant, parmi les musulmans qui sont au Québec à l'heure actuelle, c'est des musulmans qui viennent de tous ces pays-là. Il y a encore de la famille dans ces pays-là. Où sont ces musulmans qui ont marché pour la charte, qui ont marché pour Gaza? Où sont-ils aujourd'hui? Ah, voilà. Ben alors ça dit quelque chose. Qu'est-ce que ça dit? Quand ils descendent dans... Ben, ça dit qu'ils ont choisi un camp. N'est-ce pas? C'est dramatique, pareil, hein? Quand on y pense. Ils sont dans le pays de la liberté où ils peuvent exprimer leurs sentiments. Qui ne dit mot qu'on sent en cette matière. Oui, et le silence est aussi tueur. Que peut-on dire du rôle des médias au plan international? J'écoutais France 2 hier, évidemment, ils ont eu raison de le faire. Ils ont dit qu'ils ne diffuseraient aucune image, là je parle même pas de la décapitation, mais aucune image des dernières images de l'otage. Parce qu'il était vivant, il a parlé de sa famille. Les médias vont le faire pour des questions de compétition. Et c'est ça qui est terrible, parce que là, c'est comme en temps de guerre. Vous savez, allons dans les guerres traditionnelles. Dans les guerres traditionnelles, les journalistes, ils étaient inclus dans les armées et il y avait, de toute façon, une censure de la presse. Nous, on vit sans censure, autre que celle que la presse accepte pour elle-même. Dans le cas des décapitations, là, je pense qu'il y a eu un sentiment, tout le monde semble d'accord avec ça. Bon, il faut contrôler d'ailleurs ceux qui vont sur les médias sociaux et ceux qui peuvent nous envoyer ces images-là via Internet, ce qui a été fait, mais là, il faut fermer les sites. C'est compliqué maintenant, hein? Parce que qu'est-ce qu'on arrête? On débranche tout? Mais c'est certain que les médias ont une responsabilité, et une responsabilité à faire des nuances, une responsabilité à mettre les choses en contexte, et on ne peut pas expliquer ça simplement par des 2 minutes d'entrevue. Il faut avoir des gens qui savent, qui connaissent. C'est pour ça que je vous dis que cet imam, il est extraordinaire. Si vous pouviez l'avoir, ce serait un coup fumant pour vous. Et je vous aiderai là-dessus. Mais c'est évident qu'il faut prendre des gens qui savent, qui connaissent et qui vont vous dire, parce qu'ils sont dans cette culture-là aussi, ce qui peut se passer et ce qui se passe et ce qui peut nous arriver et comment, d'une certaine façon, notre propre liberté nous rend jusqu'à un certain point impuissants vis-à-vis ce type de guerre de guerre religieuse. C'est là qu'on peut se rendre compte que tout le débat sur la charte était somme toute très, très superficiel. Lorsqu'on entendait Bernard Drinville, « Oh oui, oui, on s'intéresse beaucoup à l'intégrisme. » Personne n'en parle aujourd'hui alors qu'on est au cœur d'une crise, au cœur d'un conflit qui est devenu mondialisé, globalisé. Personne ne parle de ça. Ça va devenir une façon de vivre pour nous jusqu'à ce qu'il y a quelqu'un. En France, j'entendais l'autre jour quelqu'un des renseignements généraux de façon qui disait « On sait que ça va arriver, mais on ne sait pas quand et comment. » Moi, je pense qu'on peut dire ça pour la plupart des pays occidentaux. Craignez-vous des impacts ou un impact suite à l'appel lancé d'égorger des Canadiens, un appel lancé à des soldats, entre guillemets, là, des terroristes d'ici, d'aller égorger des civils. Craignez-vous cet appel-là? Ça peut arriver comme c'est arrivé en Angleterre. Vous avez vu en Angleterre? Tout à fait, le couteau en pleine rue. Ça a été filmé, on a vu. Là, oui. Hein, n'est-ce pas? Au nom d'Allah, il est allé le poignarder en pleine rue. Là, il est allé l'égorger dans la rue. Ça a existé, ça peut exister. Le problème, c'est que la peur, que commande la peur dans des sociétés où il y a des libertés? Quelle est la réponse à la peur collective? C'est l'éducation. C'est la répression. Et c'est là que le problème va se poser. C'est que on peut se mettre à vouloir contrôler des choses qui normalement ne devraient pas être contrôlées. Par exemple, là, on sait qu'au Canada, on veut leur enlever leur passeport. C'est compliqué d'enlever les passeports à ces gens-là, hein? Mais parce que quelqu'un peut pas apatride, ne pas avoir de lieu où aller. Mais ils doivent avoir double citoyenneté, Mme Bombardier. S'ils ont la double citoyenneté, on pourra le faire. On pourra le faire, mais pour les renvoyer où? Parce que ils ont double citoyenneté. Si ce sont des Irakiens, on les renvoie où exactement? On les renvoie là-bas pour qu'ils soient encore mieux formés, puis qu'ils reviennent clandestinement dans un pays européen, parce que c'est plus facile d'aller directement vers l'Europe compte tenu de la géographie que de s'en venir ici. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, absolument. On est dans l'interrogation. Il faut que tout le monde s'interroge. Comprenne que nous vivons dans un monde qu'on n'avait pas pu imaginer, voilà. Les guerres mondiales, on en a déjà eu, on sait comment ça se forme, des pays qui s'affrontent. On n'est plus là-dedans. Non, c'est plus une guerre classique. C'est plus une guerre classique. Que penser de nos jeunes dans nos écoles aujourd'hui? Si vous êtes un professeur dans une école, je parle pas d'une école primaire, bien sûr, mais une école secondaire, un cégep, vous êtes professeur en histoire, en politique, que dites-vous, première des choses, est-ce que vous en parlez? De quelle manière vous le faites? Ben, il faut attendre les questions des élèves dans une certaine mesure, mais c'est sûr qu'ils sont exposés à ça. Alors, il faut essayer d'expliquer. Mais pour expliquer, il faut avoir des connaissances. Il faut pas juste avoir des opinions. Il faut avoir des connaissances. Il faut faire parler des gens qui savent. C'est ça qu'il faut aussi. Ça, c'est très, ça devient extrêmement important. Pas seulement des gens qui sont des observateurs de loin, des gens qui viennent de ces cultures et qui ont fait, eux, la démarche vers la liberté, vers la démocratie. Et qui sont des gens qui veulent défendre la liberté. C'est à eux qu'on doit donner la parole avant tout, parce que ils vont nous aider à comprendre et ils vont nous aider aussi à ne pas être complètement confus comme on est devant les solutions qui peuvent être apportées à ces questions-là. Et c'est sûr. Mais regardez le président Obama. Écoutez, les États-Unis. Ils ont de la misère à monter une coalition qui a de l'allure. Ils sont obligés d'inclure le Qatar. Question de faire plus de noms dans la liste. Là. Oui, bien sûr. Alors que le Qatar. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils savent, comme vous et moi, que le Qatar, à la fois, est pour l'Occident, puis en même temps, qu'il finance ces gens-là. Ils le savent. Qu'est-ce qu'on fait? De façon très bizarre. On ne peut pas s'enfermer dans notre continent. Surtout que l'Europe sont bien plus mal pris que nous. En Europe, là. Avec la présence sur le territoire de terroristes est bien plus importante qu'elle ne l'est ici, forcément. On est en train de vivre à la fois le déclin de l'Empire américain et les invasions barbares. C'est pas de l'Empire américain. On est en train de vivre ce qui semble être le déclin de la culture judéo-chrétienne occidentale. Madame Bombardier, je vous remercie infiniment. Merci, au revoir. Passez un beau week-end, au revoir. Denise Bombardier.